de soi. Matin, même hors demande. Bigo sur la table que je fais au cas où y'a des commandes. Cheaté jaune comme Homer, comme d'hab, j'mets des comètes. En surjet dans la navette, j'atterris sur Namek. À ce que tu cherches, trouve le bon créneau. J'fais le tour de la ville, ravitaille c'est l'os. 3008 à l'arrière du traîneau. J'suis dans le bang, j'suis dans le bang, j'suis dans le bang, négro. Line dans ma gourde, j'arrive à la bourre. La chatrouille se lampe, veut juste que je la bourre. Chauffe de la brousse, panoplie dans la coche. Y'a qui est headbed, à ça qui s'accroche. Des fois fausses lignes, je te pète toujours rien ne change, oh. Tu veux la fame, je te donne ma bite en échange, oh. Désolé maman, je me sens bien que sous le champ, oh. Heureusement maman, je range plus des paquettes dans ma chambre, hey. Je suis avec Manolo, Nina veut connect. T'achètes plus de poids, Sky même dit Olo, t'es next, oh. Hey, on le fera peut-être un jour. C'était dit comme la page, je vais faire plein dans une autre tour. Oh, pour y arriver, c'est une course de fond. Mais ça m'est sauf, tous les jours de ce bluffant. Hey, oh, chante-moi les faits. Hey, préserve mon cœur, mets moins de fées. Des fois fausses lignes, je te pète toujours rien ne change, oh.